mon amour, mon amour. La fidélité m'enchaîne. Et je ne peux vivre ma vie que rivée à tes veines. À ce calice-là, je veux bien m'abreuver toutes les nuits. Mon amour, ta fidélité m'enchaîne. Je ne peux vivre ma vie que rêver à tes veines. À ce calice-là, je veux bien m'abreuver toutes les nuits. Apprends-moi l'amour comme un beauté et félicité sur la terre des vivants. Alors je m'esclamerai toutes tes beautés, je veux aimer. Fidélité m'enchaîne et je ne peux vivre ma vie que rivée à tes veines. À ce calice-là, je veux bien m'abreuver toutes les nuits. Mon amour, mon amour, ta fidélité m'enchaîne. Je ne peux vivre ma vie que rêver à tes veines. À ce calice-là, je veux bien m'abreuver toutes les nuits. Apprends-moi l'amour comme un cri sans retour. Alors je m'exclamerai toutes tes beautés et félicités sur la terre des vivants. Alors je m'exclamerai toutes tes beautés, je veux aimer.